Aujourd'hui dans Affaire Sensible, qui vous le savez a le sens du tragique, un fait divers, tragique. Devenue l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de son temps, une histoire qui révèle les dégâts de la société normative et qui inspirera le réalisateur Claude Chabrol pour le scénario de son film Les Noces Rouges. Il s'appelait Bernard, elle s'appelait Yvette. Lui, Bernard Cousty, était agent commercial chez EDF à Aubusson, dans la Creuse. Elle, Yvette Valère, était l'épouse d'un petit quincaillier de Bourganeuf, dans la Creuse. Tous les deux avaient entamé une liaison amoureuse secrète. Une relation adultère, car Bernard et Yvette étaient mariés, oui, mais pas ensemble. Et quand il y a mariage sans amour, il y a amour sans mariage. Ils en sont la preuve. Car dans la France du début des années 70, on veut croire dur comme fer à l'union pour la vie, y compris pour les mariages qui ne fonctionnent plus, parce que dans cette France-là, on ne divorce pas, on reste coincé. Face à ce piège, Bernard et Yvette vont emprunter le pire chemin qui soit pour s'émanciper, le meurtre des deux gêneurs, autrement dit de leurs époux respectifs. D'où ce surnom d'amant diabolique, car le scénario qu'ils ont imaginé et mis en place ressemble un peu à cela tout de même. Notre invité aujourd'hui, Philippe Grandcoin, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Gay-Lussac de Limoges, spécialiste des affaires criminelles. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et en partenariat avec Retro News sur le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est par une nuit d'orage de l'hiver 1970, sur une route départementale sinueuse du Limousin, que s'écrit le premier chapitre de l'affaire des amants diaboliques de Bourganeuf. Ce mardi 24 février, il est un peu plus de 23 heures, lorsque le chauffeur d'un poids lourd aperçoit quelques dizaines de mètres devant lui une voiture en feu dans un ruisseau en contrebas de la route. Il s'approche et discerne à travers la vitre une silhouette de femme. Celle-ci, allongée non loin de la voiture accidentée, essaie de se relever grâce à son émetteur radio Sibi, installé dans la cabine de son camion. Le chauffeur prévient les secours. Un quart d'heure plus tard, les pompiers arrivent. Sur le lieu du rame, une portion de la départementale 7, au lieu dit le Petit Bois, la rescapée du véhicule accidenté hurle et supplie qu'on aille sauver son mari, toujours prisonnier du véhicule. Trop tard. Le petit coupé Ford qui transportait le couple n'est plus qu'une carcasse de tôle à moitié carbonisée. À l'intérieur, toujours assis sur le siège conducteur, le torse écrasé par le volant, les gendarmes découvrent le corps calciné d'un homme. Le lendemain matin, à l'hôpital de Limoges, les enquêteurs interrogent la jeune femme. D'après ses papiers d'identité, elle s'appelle Yvette Valère, elle a 36 ans, elle habite à une trentaine de kilomètres de là, dans le village de Bourganeuf. Elle et son mari, René, tiennent une quincaillerie d'électroménager. Ils ont un enfant et forment un couple de commerçants à première vue. Et comme on dit quand on ne sait que dire devant tant de banalités, un couple sans histoire. Face au gendarme qui lui demande de préciser les circonstances exactes de l'accident, Yvette Balaire, d'une voix frêle et hésitante, raconte. Mon mari et moi revenions de Brive, où nous nous étions rendus dans la journée à un congrès de chauffagistes. Il était tard. René était fatigué. J'avais la migraine, mais j'ai décidé de prendre le volant. Il pleuvait. La visibilité n'était pas très bonne. La route devant nous était assez escarpée. Peu avant l'accident, je me rappelle que René et moi parlions de la hausse des prix de notre principal fournisseur. Ensuite, je ne sais plus. La voiture a glissé. Il y a eu un grand choc de lumière, du feu, l'odeur de l'essence. Je me suis évanouie et lorsque je me suis réveillée, j'étais dehors, dans le froid. À l'écoute des propos d'Yvette Balaire, les gendarmes sont surpris. Le récit de la jeune femme présente en effet des incohérences avec ce qu'ils ont constaté la veille sur le lieu de l'accident. D'abord, le corps de l'homme retrouvé dans la voiture, celui de René Balaire, était coincé sur le siège conducteur. De plus, la portière avant gauche de la voiture, donc côté conducteur, était enfoncée et coincée dans des arbustes. Donc, Si Madame Belair était la conductrice au moment de l'impact, elle n'aurait jamais pu s'extraire et serait morte brûlée vive. À cela s'ajoute une chaussure lui appartenant que les gendarmes retrouvent à l'extérieur de la voiture, mais côté passager. Deuxième élément qui intrigue. L'accident s'est produit non pas à l'entrée ou à la sortie d'un virage, mais dans une portion de ligne droite, où, comme l'a déclaré le chauffeur du camion qui passait par là, la chaussée était dégagée. Alors quoi? Une perte d'attention, de la fatigue, un coup de volant brutal pour éviter de percuter un animal qui aurait traversé la route? À chacune des questions des gendarmes, Yvette Belair n'apporte aucune réponse. De son côté, la presse locale rapporte les premiers détails. La République du Centre, 25 février 1970. Drame sur les routes de la région de Limoges. Hier soir, un bougougnot décède dans un accident de la circulation. La victime, René Belair, a perdu le contrôle de son auto et a percuté le parapet d'un petit pont de pierre. Le véhicule a fini sa course dans le fossé, près d'un ruisseau, et a pris feu. Le conducteur, de 43 ans, un commerçant marié et père d'un enfant, est mort sur le coup. Sa femme, la passagère, elle, s'en sort par miracle et ne souffre que de quelques blessures. Jeudi 26 février, 48 heures après l'accident, église de Bourganeuf. En ce début d'après-midi, les habitants du village sont venus rendre un dernier hommage à René Belair. Émotion, tristesse, mais aussi tension. À Bourganeuf et dans les environs, tout le monde connaît René, l'enfant du coin, l'ancien mineur devenu par la suite quincaillier, un homme souriant, apprécié, discret. Pour la cérémonie, tout le village a fait le déplacement. Tout le monde, sauf Yvette Belair. Non, la veuve n'est pas venue à l'église. Elle ne viendra pas non plus au cimetière lors de l'enterrement de son défunt mari. Officiellement, elle est à l'hôpital et serait encore traumatisée par l'accident. Les médecins lui auraient recommandé du repos. Mais plusieurs voisins affirment qu'Yvette Belair n'est pas venue à l'église parce qu'elle ne voulait pas affronter le regard des gens. Et pour cause. Elle a eu vent que chacun dans le village connaît la vérité sur sa relation entre Yvette et René. Elle sait que les braves gens n'aiment pas ça. Elle sait tout ce que ses voisins doivent dire de sa vie, alors que certains en rêvent, sans oser franchir le Rubicon. Non, mieux vaut souffrir en silence, c'est tellement plus correct. Alors, lorsque le prêtre parle du regretté René Belair, dans l'assistance déjà les langues se délient. Un commerçant du centre-ville lance à la cantonade, content de son effet. C'est un accident qui l'arrange bien, Yvette, hein. Pendant qu'un autre, même une autre voisine affirme, sûre d'elle, qu'elle doit de toute façon déjà être partie pour retrouver les bras de son amant. Pensez donc. Oh, oh, oh Bernard. Oh, oh, Bernard. Depuis plusieurs mois, selon certains, depuis plusieurs années, selon d'autres, Yvette Belair entretenait une relation adultère avec un autre homme. Dans le village, certains affirment avoir déjà croisé les deux amants, parfois à pied, parfois en voiture. Et preuve que personne ne s'y est trompé, René Belair était surnommé le quincailler cocu. Et la volaille qui fait l'opinion affirme même que René était au courant que sa femme le trompait et qu'il connaissait cet homme, un certain Bernard Cousty. Voici comment il sera décrit plus tard dans la presse. La République du Centre. Bernard Cousty a de la prestance. Si l'on devait retenir qu'un seul trait de son caractère, ce serait sans aucun doute qu'il regorge d'ambition. Dans son entourage, il a aussi la réputation de toujours chercher à se rendre indispensable, quoi qu'il fasse. Cousty est grand, les cheveux balayés en arrière, il porte fièrement de larges lunettes sur le nez. Toujours rasé de près, l'homme est démarcheur, comprenez, commercial à l'EDF. Il habite la commune d'Aubusson, à 50 km de Bourganeuf. Lorsqu'il a commencé à fréquenter Yvette Belair, Cousty était marié et père d'une petite fille. Mais depuis peu, l'homme est veuf. Comme souvent dans les villages de province, où l'on vit au rythme lent du train-train quotidien, la rumeur s'immisce, car elle divertit la rumeur. Oui, elle alimente en conversation les repas de famille. Elle devient l'enjeu de toutes les spéculations, de tous les scénarios. Elle agit comme un venin. On l'aura compris. dans les rues de Bourg-la-Neuf, la mort de René Malher n'échappe pas à ce phénomène. Ainsi, une semaine après le drame, le fils du couple, Gérald, âgé d'une vingtaine d'années, enfant d'une première union qu'avait eue sa mère Yvette avant que René Malher ne l'adopte officiellement, bref, le jeune homme décide de s'adresser à la justice pour faire taire ce qui calomnie sa famille. Dès que l'accident fut connu, des rumeurs commencèrent à circuler. On disait qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un crime, et que bien des éléments étaient troublants dans cette affaire. C'est pour faire justice de ces bruits et laver ma mère de tout soupçon que j'ai songé à écrire au procureur. Avant de le faire, je suis allé consulter ma mère à l'hôpital où elle se trouvait encore. Elle m'a dit d'écrire la lettre. Elle a ajouté que cela la soulagerait. Alors que l'accident de la route d'Yvette et René Malher avait été jusqu'ici classé sans suite, le parquet de Limoges nomme un juge d'instruction. Comme quoi, pointe déjà l'hypothèse que cet accident n'est peut-être pas un accident. Mais n'allons pas trop vite. Dans un premier temps, le magistrat questionne les gendarmes. Ils lui font part de la surprenante contradiction dans la déclaration de Madame Malher, qui prétend avoir été au volant alors qu'elle n'a pas été écrasée par le dit volant lors de l'impact. Et puis, toujours cette contradiction. Mais enfin, comment Madame Malher aurait-elle pu s'extirper du véhicule alors que la porte côté conducteur était bloquée? On l'a dit, et voilà qu'elle s'en sort quasiment indemne. Non, il y a quelque chose qui colle pas. Le juge demande alors à voir le véhicule. Le garagiste qui avait récupéré l'épave lui présente les restes calcinés de petits coupés Ford accidentés. Et là, le magistrat est stupéfait. L'avant de la voiture, là où se trouve le moteur, là où justement aurait dû partir l'incendie, est quasiment intact. Dans un extrait retranscrit dans la presse d'époque, l'expert mandaté par l'assurance pour déterminer les causes du sinistre affirmera sans l'ombre d'un doute au magistrat « Monsieur le juge, cette voiture-là, elle ne s'est pas enflammée toute seule, mais non, on lui a foutu le feu. » Illico, le magistrat Gilbert Tinet demande une autopsie. Ce que nous cherchions, c'est de savoir comment cet homme était mort. Est-ce qu'il était mort uniquement dans l'incendie ou est-ce qu'il s'était passé quelque chose après? Autrement dit, on cherchait à voir s'il n'avait pas été homicidé avant. Et alors, il y a eu le coup de théâtre, si je puis dire. C'est qu'on a découvert dans le rachis lombaire une image à la radio de profil d'un projectile de revolver ou de pistolet. Là, vous imaginez, hein, y a de l'ambiance dans le laboratoire quand on voit ça, hein. On se dit, voilà un monsieur qui est mort dans un accident, mais le problème, c'est qu'il avait une balle dans le rachis lombaire, quoi. Hein. Un accident, une fable, oui. Et bien sûr, cette découverte majeure conforte l'hypothèse du juge. Cet accident de la route est une mise en scène pour camoufler un crime. Et ça, bien sûr, ça change tout. Deux semaines après l'accident, début février, tribunal de Limoges. Ce jour-là, le juge convoque Yvette Malher à son bureau. Tailleur noir, cheveux détachés, prostrée comme une enfant, les mains sur les genoux, qu'elle semble confuse, son attitude. Et ses paroles. Les questions que lui pose le juge sont précises, fermes, sans nuance. À l'inverse, les réponses d'Yvette Malher sont hésitantes, maladroites, voire erronées. Pressée de s'expliquer sur cette nuit du 24 février, sur les restes d'une balle retrouvée dans le corps de son mari, surtout, mais aussi sur les rumeurs de sa relation adultère qui aurait pu être le mobile d'un crime, Yvette Malher garde son masque de femme blessée, reste silencieuse une dizaine de minutes avant de s'effondrer. Et puis, elle avoue. Oui, l'accident était une mascarade. Oui, elle voulait la mort de son mari dont elle n'était plus amoureuse depuis des années. Et elle déroule le scénario de cette nuit fatale, quelque part sur la départementale 7. J'ai pris le volant vers 20h. C'était la première étape du plan. Ensuite, j'ai changé notre itinéraire et pris la départementale 7, car c'est une route calme où l'on ne croise pas grand monde la nuit. Bernard m'attendait un peu plus loin, sur le bord de la route. Il s'était habillé avec une veste en cuir et il portait une fausse barbe. On avait convenu, lui et moi, qu'il devait se faire passer pour un autostoppeur, pour ne pas être reconnu par mon mari qui l'avait déjà vu. Mon mari s'arrêtait toujours pour prendre les autostoppeurs. Donc, on savait que ça marcherait. Lorsqu'elle arrive au niveau du faux autostoppeur, raconte Yvette, elle ralentit, comme prévu, puis s'arrête. Son mari René se détache du siège passager, il ouvre la portière et bascule son siège pour laisser s'installer l'autostoppeur à l'arrière. C'est là que vous lui avez tiré dessus devant le juge d'un ton grave. Non, se défend Yvette, je n'ai pas tiré sur René, c'est Bernard. Bernard Cousty, son amant. Interrogé à son tour, Cousty, d'abord silencieux, puis paniqué certainement, finit par reconnaître les faits. Et son récit vient compléter celui de sa maîtresse. Lorsque René Balaire est descendu de voiture, malgré ma fausse barbe, j'ai très vite compris qu'il m'avait reconnu. Il savait depuis longtemps que j'étais l'amant de sa femme. En me voyant cette nuit-là, il a tout de suite réalisé que quelque chose se tramait. Lui et moi, on a alors commencé à s'insulter. Il m'a arraché ma barbe et puis on s'est bagarré. Je l'ai frappé à plusieurs reprises avec ma clé à molette. Je voulais juste l'assommer, mais j'ai pas réussi. C'est là que j'ai sorti mon pistolet. J'ai tiré une seule fois. Balaire m'a regardé l'air hagard, puis il s'est effondré sur le sol. J'ai compris que je l'avais tué. Le juge place Bernard Cousty et Yvette Balaire en détention provisoire. Contre le premier, le magistrat retient le chef d'accusation d'homicide volontaire avec préméditation, comprenait un assassinat, donc avec pour horizon les assises et peut-être la guillotine, certainement même. Contre elle, Yvette, le juge retient la complicité d'homicide volontaire, ce qui peut quand même lui valoir la prison à vie. À l'annonce de la nouvelle de l'incarcération de sa mère, le jeune Gérald Balaire s'effondre. La situation pour lui est d'une telle cruauté, rendez-vous compte. Lui qui voulait seulement laver l'honneur de sa famille en écrivant au procureur et en faisant rouvrir l'enquête sur la mort de son père adoptif, aura scellé le sort de sa mère. Double peine. Un mois et demi plus tard, en bordure de forêt sur la route départementale 7, à hauteur du lieu-dit Le Petit Bois, à proximité de la commune de Saint-Bonnet-Briance, a lieu la reconstitution du crime. De nombreux journalistes ont fait le déplacement. Tous veulent voir le scénario de cette nuit tragique. Bernard Cousty l'a déjà déroulé dans le bureau du juge. Le magistrat veut cette fois s'en rendre compte sur le terrain et surtout, il veut retrouver l'arme du crime. Encadré par les gendarmes, Cousty mime ce qui s'est passé avec le corps de René Balaire et il s'explique. Yvette m'a aidé à installer le corps ensanglanté de René sur le siège conducteur. Ensuite, on a cherché un moyen d'envoyer la voiture dans le ravin, en coinçant l'accélérateur. Une fois la voiture lancée, elle est sortie de la route et est allée percuter un arbre, dans le fossé. Ensuite, Bernard Cousty et Yvette Balaire racontent qu'ils ont dû faire vite avant qu'un automobiliste ne découvre la scène. Alors ils se précipitent au niveau de la voiture accidentée et passent à la dernière étape de leur plan. On avait décidé de faire brûler la voiture, pour que personne ne se rende compte des causes de la mort de René. Bernard avait ramené avec lui un jerrycan d'essence, il a aspergé une partie de la carrosserie, et il y a mis le feu, avec un briquet. Quelques jours plus tard, le juge d'instruction organise une nouvelle opération sur le terrain, toujours en présence de Bernard Cousty. Cette fois, l'objectif est de récupérer l'arme du crime. L'accusé a expliqué l'avoir jeté dans le lac de rétention d'eau du barrage de Chantegrêle. Dans une eau glaciale, les plongeurs vont travailler des heures durant pour tenter de retrouver le revolver. Sans succès. Le juge est là, Cousty à côté. Un journaliste s'approche et tente de savoir si Bernard est le commanditaire du guet-apens macabre qui a coûté la vie à René Balaire. Cousty bafouille, puis se met à pleurer. En l'espace de quelques secondes, celui que la presse décrivait comme l'amant diabolique, un criminel sans état d'âme, retrouve son visage d'enfant. Quelques heures plus tard, dans le bureau du juge qui l'interroge de nouveau sur l'organisation de l'assassinat de René Balaire, Bernard Cousty, veuf depuis tout juste 2 mois, se livre à une incroyable confidence qui va faire basculer l'affaire. Monsieur le juge, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Quelque chose que je crois devoir vous dire. Voilà. Ça, vous ne le savez sans doute pas. Mais j'ai tué aussi ma femme. La victime s'appelait Ginette Freland, mariée à Bernard Cousty donc. Elle est morte le soir du réveillon de Noël, 2 mois jour pour jour avant le meurtre de René Balaire. France Inter, affaires sensibles. Mercredi 24 décembre 1969, région de Limoges, commune d'Aubusson. En ce soir de réveillon de Noël, chez la famille de Bernard et Ginette Cousty, l'ambiance est lugubre. Depuis longtemps chez eux, le mariage, cette étrange alchimie, a transformé le baiser en devoir. Dans leur petite maison, située à l'écart du centre-bourg, cette année, pas de dîner en famille, pas d'animation dans la salle à manger, ni dans le salon. Les lumières sont presque toutes éteintes. À côté du sapin, la petite fille du couple, Michel, joue en silence avec sa poupée. À l'étage, sa mère, Ginette, est allongée sur son lit. Depuis près de 24 heures, elle a une forte fièvre. Le médecin est venu l'ausculter. « Grippe », a-t-il dit. Vers 22h, en cette soirée de Noël, Bernard Cousty demande à sa fille d'apporter à Ginette le bouillon qu'il a préparé. Michel s'exécute, elle dépose le bol près du lit de sa mère qui envoie quelques gorgées puis qui s'endort. Une heure plus tard, Bernard Cousty appelle les secours, sa femme Ginette ne respire plus. À son arrivée, le médecin découvre dans la pénombre la petite Michel assise en bas. Une fois en haut, dans la chambre, il examine le corps de Ginette. À tout juste 37 ans, la jeune femme semble avoir fait une fièvre hémorragique à cause de la grippe et elle est morte. Mais le médecin n'a jamais vu de cas comme celui-ci chez une patiente aussi jeune. Alors, suspicieux sur les raisons de la mort, il se garde bien de délivrer un certificat de décès et il demande aux gendarmes une enquête de routine pour s'assurer que le couple n'avait pas d'antécédents de violence ou autre. L'enquête ne révèle rien. La cause du décès semble entendue. Quelques jours plus tard, Ginette est enterrée au cimetière d'Aubusson. Avant de partir, Bernard Cousty dépose une couronne mortuaire sur laquelle il a écrit « À ma chère Ginette ». 2 mois après le drame d'Aubusson, chez la famille Cousty, René Balaire meurt dans un bas-côté. C'est dans ces conditions que Bernard Cousty va alors avouer que son objectif et celui de sa maîtresse n'était pas juste de tuer René, non, Ginette également devait y passer. Au juge médusé, Cousty raconte. Le soir de Noël, peu après que Michel fut monté à porter le bouillon à sa mère, je suis monté à mon tour. J'ai imbibé un coussin avec de l'éther et je l'ai appuyé sur le visage de ma femme. Elle s'est débattue quelques instants avant que ses bras retombent de chaque côté et qu'elle ne bouge plus. Malgré quelques zones d'ombre, l'enquête judiciaire permet d'établir la culpabilité des deux inculpés. Les aveux de Bernard Cousty et les analyses médico-médicales pratiquées sur le corps de son épouse permettent aussi de l'accuser du meurtre de Ginette, 4 semaines plus tôt, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1969. Désormais, ce que cherche à comprendre le juge d'instruction, c'est le mobile qui a poussé les deux amants à agir ainsi. À cette question, Yvette et Bernard apportent la même réponse. Ils s'aimaient, ils ne pouvaient pas divorcer, alors ils se sont résolus à tuer leurs conjoints respectifs pour vivre leur union, voilà. Il est vrai que dans cette France des années 70, au charme suranné, divorcer est un défi à l'impossible, ou presque. La procédure judiciaire est longue, fastidieuse, souvent douloureuse. Ça peut aller jusqu'au détective et à l'huissier, avec le spectre du délit d'adultère au petit matin, un cauchemar. Et puis que vont dire les voisins ? Racontard. Alors divorcer ? Non. Bien trop dur. Si lors des premières auditions, les deux amants semblent solidaires, bientôt Yvette Balaire va abandonner Bernard. Comprenant qu'elle risque de passer le restant de sa vie en prison, elle rejette toute la responsabilité du crime sur qui vous savez. C'est finalement la cour d'assises de Limoges qui sera appelée dès lundi à connaître du dossier bien lourd de ceux que toute la presse n'appelle plus autrement que par ce vocable significatif des diaboliques de Bourganeuf, et pour lesquels d'ailleurs le crime pourrait bien se révéler à double face, la mort de Madame Michèle Cousty, l'épouse de Bernard, survenue dans des circonstances pour le moins étranges, la nuit de Noël 1969, et à propos de laquelle des aveux complets ont été obtenus de la part de Bernard Cousty, venant s'ajouter à celle de René Balaire. Deux ans plus tard, 29 mai 1972, tribunal de Limoges. Une foule de curieux et de journalistes fait la queue pour entrer dans la salle d'audience de la cour d'assises où va se dérouler le procès des amants diaboliques. Lorsque les deux accusés apparaissent dans le box, le public les conspue et réclame la mort. Hier, amoureux au point d'assassiner leur conjoint, aujourd'hui Bernard Cousty et Yvette Balaire apparaissent séparés face aux conséquences gravissimes qu'ils vont devoir assumer dans le désespoir d'une vie à passer entre quatre murs. À la barre, Yvette déclare « J'ai repoussé cette idée d'assassinat avec horreur. Je ne pouvais pas me douter qu'il allait mettre son projet à exécution. » Interrogé à son tour, Cousty, toujours amoureux d'Yvette, ne s'oppose pas à ce que dit sa maîtresse. Lui, qui se pense déjà condamné à la peine de mort, chercherait-il à tout faire pour qu'Yvette s'en sorte ? Possible. Présents dans la salle d'audience, les journalistes ne croient pas à la défense de la jeune femme. Depuis le début de cette affaire, Yvette Balaire a fait cause commune avec Bernard Cousty. Ils étaient ensemble, ils ont tué ensemble. Dans la presse, on peut lire « Les amants diaboliques de Bourganeuf s'accusent mutuellement aux assises de Limoges ». Le président de la cour d'assises s'adresse à Cousty. « Vouliez-vous, monsieur Cousty, oui ou non, la mort de votre femme ? Quelles explications avez-vous à nous donner pour expliquer votre geste ? Plaidez-vous la folie ?» Cousty répond « Monsieur le président, je n'ai jamais eu l'intention de tuer Ginette. » J'ai juste versé un peu d'éther sur son oreiller pour lui procurer un bon sommeil. Appelé à son tour, le professeur Le Breton, le médecin légiste qui a examiné le corps de Ginette Freland, répond aux questions de l'avocat de Bernard Cousty, maître Charrière. Croyez-vous, professeur, que cette dose d'éther était suffisante pour causer la mort de Madame Cousty ? Lui demande l'avocat. Le professeur Le Breton répond : Il est probable qu'additionnée au barbiturique dont j'ai décelé la présence dans les viscères de la victime, cette dose d'éther était mortelle. Le visage du président du tribunal se fige. Le magistrat se tourne vers Cousty et lui assène « Avez-vous aussi tenté d'empoisonner votre femme ?»« Oui, » répond Cousty. « Oui, » il a versé quelques gouttes de barbiturique dans le bouillon qu'il avait préparé par Ginette. Et on rappelle que c'est leur enfant, Michel, qui innocemment a apporté le bouillon mortel à sa mère. Sordide. Et sidération dans la salle d'audience. Puis c'est l'expert qui a autopsié le corps de René Balaire qui dépose. Il explique que René, bien que sonné par les coups et blessé par la balle de pistolet qu'il a reçue, était encore vivant lorsque Bernard Cousty a mis le feu à la voiture. Le sang de la victime, dit le médecin, révèle des traces de dioxyde de carbone. René respirait encore au moment où la voiture a été incendiée. Au dernier jour d'audience, l'avocat général tente de rappeler au jury les rôles des deux accusés. Qu'on ne s'y trompe pas, le silence de Madame Balaire est à lui seul un crime. Elle connaissait les intentions de son amant, mais elle n'a rien dit. Quant à Monsieur Cousty, sa responsabilité ne fait aucun doute. Il a tué deux fois. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, c'est la peine de mort que je vous demande de prononcer contre cet homme. Et 20 ans de réclusion contre sa complice. 90 minutes suffisent aux 9 jurés pour rendre leur verdict. Yvette Balaire est condamnée à 10 ans de prison. Bernard Cousty est condamné à mort. Un an plus tard, au mois de mars 1973, aux assises de la Gironde à Bordeaux, se déroule le procès en cassation des amants diaboliques à la demande de l'avocat de Bernard Cousty pour vice de forme. Comme à Limoges, en première instance, chacun campe sur ses positions. Yvette Balaire se décharge sur Bernard Cousty. Cousty prétend qu'il a agi par passion amoureuse. Alors son avocat, Maître Bonenfant, sort le grand jeu. Sa plaidoirie est magistrale. Il se tourne vers les jurés et leur décrit les dernières heures du condamné à mort, au moment où on vient le chercher dans sa cellule, au moment où l'on tranche la tête. Une défense de rupture, comme dirait Vergès. On fait le procès de l'accusation. Bien joué. Cousty, le condamné à mort, est condamné à vie, perpétuité. Alors, pour la dernière fois, probablement, juste après le verdict, Bernard croise le regard d'Yvette. Il l'aimait, elle l'aimait. Pour elle, il a tué. Pour lui, elle a approuvé. Mais ils ont tout perdu. Parce qu'il ne voulait pas divorcer, non, tout sauf ça. Savait-il que la principale cause de divorce, c'est peut-être le mariage? Quand ils l'ont su, et s'ils l'ont su, c'était trop tard. Ils veulent que la vie soit belle, allons, la vie est belle, quoi? Ils veulent qu'un amour soit fidèle, j'aime quelqu'un qui n'est pas toi. Y a du soleil, des fleurs qui poussent, ne me regarde pas comme ça. Il faut s'aimer, la vie est douce, si tu me regardes, je ne pourrai pas. Sait-on jamais ce qu'on trouve? Où restait la colombe? Il y a une louve. Sait-on jamais ce qu'on aime? Tous les mots que je t'ai dit me semblent des blasphèmes. C'était un amour si tranquille, tranquille était mon cœur aussi. Point d'ennemis dans cette ville, point de peine et point de soucis. Jamais je n'ouvrais la fenêtre, ne me regarde pas comme ça. J'étais ce que je croyais être, si tu me regardes je ne pourrais pas. Sait-on jamais ce qu'on trouve? Où restait la colombe? Il y a une louve. Sait-on jamais ce qu'on aime? Tous les mots que je t'ai dit me semblent des blasphèmes. Mais un jour l'ennemi s'annonce, il a couru, il est en bas. Il tire les coups de ce monstre, tais-toi, j'entends mon cœur qui bat. Moi qui dormais, je me réveille, ne me regarde pas comme ça. Mon Dieu, que j'étais vieille, si tu me regardes, je ne pourrais pas. Sait-on jamais ce qu'on trouve? Où restait la colombe? Il y a une louve. Sait-on jamais ce qu'on aime? Tous les mots que je t'ai dit me semblent des blasphèmes. Il n'est plus rien qui me retienne, je ne suis plus ce que j'étais. Si cette femme était la tienne, j'en suis une autre qui se tait. Il y a du soleil, des fleurs qui poussent. Regarde-moi, ça passera. Il faut s'aimer, la vie est douce. Je pars, tu ne me retiens pas. sait-on, sait-on jamais ce qu'on trouve. Tu aimais la colombe et je suis cette louve. Sait-on jamais ce qu'on aime. Tous les mots que je lui dis me semblent des poèmes. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les amants diaboliques de Bourganeuf. Notre invité, Philippe Grandcoin. Bonjour. Bonjour. Professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Gay-Lussac de Limoges. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire de la société limousine des 19e et 20e siècles. Et vous êtes également spécialiste des affaires criminelles. Il vous reste un peu de temps pour dormir, non? Toutes ces activités. Bien, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la région de Limoges, pouvez-vous nous décrire à quoi ressemblent ces villages du Limousin, tel Bourganeuf, si tant est qu'ils soient vraiment différents des villages dans d'autres régions d'ailleurs? Alors, c'est pas vraiment un village, c'est une petite ville. Alors, c'est vrai, vu de Paris et vu des grandes métropoles provinciales, 3500, 3600 habitants. C'est une bourgade, quoi. Ouais, c'est pas un village, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ça a même été sous-préfecture, hein, jusque dans les années 20. Donc, il y a encore, aujourd'hui, on peut voir le tribunal, l'ancienne sous-préfecture. Donc, c'est un monde qui est pas un monde que paysan. C'est un monde de commerçants, de fonctionnaires, de petits notables ruraux. Au milieu d'une région qui elle-même est très rurale, avec Guéret comme chef-lieu de département, avec à peine 10 000 habitants. C'est une France qui a connu un peu la révolution silencieuse des campagnes, hein, de cette entrée dans la modernité, avec des campagnes qui commencent, même qui continuent à se vider plutôt, puisque ça commençait même avant la guerre de 14, et qui est en train de perdre un petit peu de son activité, mais qui reste encore, avec une activité assez importante par rapport à ce que c'est aujourd'hui, par exemple. Mmh. Et cette affaire des diamants, des amants diaboliques de Bourganeuf, la bourgade de Bourganeuf, a inspiré l'un des plus grands cinéastes français, on l'a dit, Claude Chabrol, hein. C'est en effet sur ce fait divers qu'il a construit le scénario de son film, Les Noces Rouges. Quel est votre regard déjà sur ce film? Ah, c'est un très beau film, alors qui transpose complètement l'histoire à Valençay, qui change complètement la sociologie de l'affaire, puisqu'il est monté en gamme en quelque sorte, puisque la victime est en fait députée maire, l'assassin donc qui est joué par Piccoli est conseiller adjoint au maire, il est lui-même entrepreneur. On est plutôt dans, j'ai envie de dire, la France pompidolienne de cette bourgeoisie des Trente Glorieuses, avide de réussite matérielle. Hein. Derrière, oui. il a placé un scandale politico-financier, on va dire. Mais en même temps, il reconstitue très bien cette espèce de quasi huis clos que constituent ces villes de province, ces petites villes de province. Là, on est dans le sud de l'Indre. Et il a, par contre, exactement collé au scénario, puisque c'est les personnages sont les mêmes dans leur vie privée. Elle s'est mariée avec ce député maire alors qu'elle avait déjà un enfant. Donc ils s'aiment, ils font l'amour dès qu'ils peuvent dans la nature, voire dans le château de Valençay en se laissant enfermer. C'est une très belle scène du film dans le château. Et le faux accident, l'assassinat, le guet-apens est quasiment le même. Et la procédure qui va l'acte qui va enclencher la procédure de justice est la même, c'est-à-dire demander l'intervention de la justice pour faire taire les rumeurs qui s'avèrent être des vraies, enfin fondées sur la vérité. Alors, si vous avez accepté notre invitation en tant que spécialiste des affaires criminelles, c'est que cette affaire-là vous intéresse. Elle vous intéresse parce que elle est dans cette région de Limoges que vous étudiez, ou pour d'autres raisons, ou les deux d'ailleurs. Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que je suis plus spécialiste du 19e siècle et du début du 20e que ces années 60-70. Mais j'ai envie de dire, elle offre des constantes par rapport à ce qu'on peut trouver dans un certain nombre d'affaires criminelles de ces deux siècles-là. D'abord, c'est le poids, effectivement, du regard d'autrui et d'une société qui est quand même une société très fermée, assez repliée sur elle-même. Alors, à la fois parce que c'est cette société très normée, en quelque sorte, qui pousse au crime. Mais oui, parce que, effectivement, bien sûr, c'est le cœur de l'histoire. Hein. C'est vraiment le cœur de l'histoire, ça. Voilà, on peut pas vivre sa passion amoureuse sans être sous le regard donc de cette société. Et également très souvent dans les affaires, on va dire, où la mort violente, enfin la mort par intention criminelle n'est pas évidente, je pense aux empoisonnements, je pense aussi aux infanticides, très souvent, c'est la rumeur publique qui déclenche l'affaire. Très souvent, quand vous prenez les dossiers d'instruction d'assises, notamment pour les infanticides, le premier acte de la gendarmerie, c'est ayant appris par la rumeur publique que... Ouais. Et voilà. Et à la limite, il n'y a pas besoin d'un cadavre ou alors on a enterré la personne sans qu'il y ait d'autopsie ou quoi que ce soit pour que y ait déclenchement de l'affaire. Et c'est cette rumeur publique. Et finalement, ça dit une chose qui est assez intéressante dans les campagnes de l'époque, les petites villes, c'est que finalement, peut-être autant que les forces de police, de gendarmerie, la justice, c'est le contrôle social qui assure, alors des fois pour le pire, hein, et des fois pour le meilleur, justement le respect des lois. Ouais. C'est vraiment l'univers, je reviens à Chabrol, c'est vraiment l'univers de Chabrol, cette âpreté qui peut exister en milieu rural, parce que les gens se connaissent plus, c'est-à-dire ce qu'on pense des gens, le quand dira-t-on, c'est une chape de plomb, comme vous le disiez, c'est pousse au crime. D'ailleurs, si Chabrol a mis en scène pour le cinéma le roman de Flaubert, Madame Bovary, ça renvoie également à ça. Tout à fait. Hein, c'est vraiment cet univers-là. Bon, on va se retrouver pour continuer à parler de cette affaire passionnante, Philippe Grandcoing, dans 3 minutes, après avoir écouté Arlo Parks, Eugene. Bourancoin, on le disait, au cœur de cette affaire, il y a la société normative et ses dégâts, et vous alliez encore plus loin, vous avez raison, la société normative pousse au crime. Et là, en l'occurrence, le divorce. Alors aujourd'hui, on considère le divorce comme un moyen de libération. Quand ça va pas, ça va pas, voilà. En 1970, pourquoi était-il si difficile pour un couple de divorcer? Alors parce qu'on est encore dans le cadre de la loi de 1884, la loi Naquet, pardon, donc qui est une loi de la Troisième République, qui a rétabli en fait le divorce instauré par la Révolution française, mais que les régimes conservateurs du XIXe siècle avaient aboli, puisque, la loi de Dieu passe avant la loi des hommes. Et cette loi de Naquet de 1884 n'instaurait le divorce que pour faute. D'ailleurs, c'était un des arguments pour faire passer la loi. C'était pour mettre un terme à des situations qui étaient souvent des calvaires, notamment pour les femmes. Mais par contre, ça reposait essentiellement, pour pas dire exclusivement, sur la question de l'adultère. Mmh. Et donc il fallait prouver l'adultère, sachant que jusqu'à une date assez récente, la définition de l'adultère n'était pas la même pour l'homme et pour la femme. Pour l'homme, il fallait qu'il ait entretenu une maîtresse sous son toit au départ pour qu'il y ait adultère, tandis que la femme, dès qu'elle trouve tromper son mari, c'était un adultère. Donc deux poids, deux mesures, et qui reflète bien la misogynie de cette société-là. Et ce n'est qu'avec les débuts du septennat de Giscard d'Estaing que va être introduit donc le divorce. Consentement mutuel. Bien sûr. Voilà. Qui était très libérateur. Tout à fait. Mais qui était avec un décalage formidable par rapport aux évolutions de la société depuis le début du XXe siècle, et notamment le retour des soldats après la Première Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale, avait posé aussi ce problème, parce que il y avait eu des adultères, mais il y avait aussi tout simplement l'incapacité à renouer une vie de couple après des années de séparation et des traumatismes des deux côtés. On était loin du Pax, hein. Ah, très très loin, oui. Alors, l'un des points particuliers de ce dossier, et puisqu'il nous permet de parler de ces années-là, qui ne sont pas si lointaines, hein, il y a encore plein de contemporains qui sont vivants, qui ont connu ces années-là. Donc, l'un des points particuliers du dossier, c'est la condamnation à mort de Bernard Cousty. Alors ensuite, il s'en sortira, si j'ose dire, avec la prison à vie. Et est-on déjà, à cette période, dans un débat sur la peine de mort, ou est-ce que c'est considéré comme une sentence, normal. Alors, le vrai débat au sens politique parlementaire du terme, il va intervenir juste après, hein, avec notamment Robert Badinter, avec la fameuse affaire Patrick Henry, c'est 77, donc on est quasiment au même moment. J'ai tendance à penser que la fin de la guerre d'Algérie, qui justifiait finalement de la peine de mort, ne serait-ce que par les attentats, l'OAS, etc., le petit Clamart, pour prendre que cet exemple-là, la fin de la guerre d'Algérie, mai 68 après, justifie de moins en moins la peine de mort, à la fois parce que la société a moins à se défendre contre des menaces terribles comme les menaces d'attentats, et parce que effectivement mai 68 porte en elle ou en lui la condamnation d'une justice extrêmement répressive. C'est l'époque de Michel Foucault, surveiller et punir, etc. C'est l'époque aussi où on attaque beaucoup le système carcéral français. Il y a une vraie demande, notamment de la part des intellectuels, mais aussi de la gauche française, donc d'une grande réforme de la justice et surtout de la répression, prison et peine de mort. Donc sans doute que ça a bénéficié dans un deuxième temps à Cousty, mais c'est vrai que c'est pas encore le grand débat que ça va être 5-6 ans plus tard. Alors il a bénéficié, on le rappelle aux auditeurs, il a bénéficié de la cassation parce qu'à l'époque en assise, on ne pouvait pas faire appel, on avait une deuxième chance que s'il y avait vice de forme, hein, faut le rappeler. Donc là j'imagine qu'il y a eu vice de forme, on ne sait pas lequel, mais c'est pas d'erreur. On trouve assez facilement, hein, les cassations sont assez fréquentes à l'époque. D'accord, enfin bon, c'est pas l'essentiel, mais c'était pour rappeler quel était le fonctionnement de la justice à cette époque. Alors, oui, ça reporte sur l'idée que le jury qui représente le peuple est souverain, donc on ne peut pas aller à l'encontre d'une décision du jury souverain, sauf vice de forme. Donc vous avez travaillé, vous, en tant que chercheur, historien, sur l'affaire dont on parle, hein. J'imagine, lorsqu'on se plonge dans les archives d'époque, et notamment les articles de presse, on constate que cette affaire a été parfois rapportée de manière contradictoire, avec des éléments qui étaient faux. Les fake news ne datent pas d'aujourd'hui, hein. Une presse, disons, qui court plus vite que les faits, parfois. Comment les historiens peuvent-ils travailler sur ce genre de dossier? À quelle source fier? Alors, la meilleure source, c'est le dossier d'instruction. Alors, ils sont pas normalement tous disponibles immédiatement. Il y a un délai de 75 ans pour protéger, les personnes et la mémoire de ces personnes. Mais une fois qu'on a accès, donc on peut avoir accès par dérogation à des affaires plus récentes, c'est vrai que le dossier d'instruction est quelque chose d'extraordinaire puisque vous avez tout, depuis les premiers PV de constat de la gendarmerie, de la police, aux interrogatoires, en passant par tous les témoignages, tous les actes judiciaires du juge d'instruction. Alors, c'est pas l'idéal, on est bien d'accord, parce que notamment, il y a toutes les voies sans issue qui disparaissent, c'est-à-dire qu'on imagine que les enquêteurs sont partis dans telle et telle direction, que ça n'a rien donné, donc ça laisse pas de traces. Mais c'est vrai qu'on a là quelque chose d'un matériau qui est extraordinaire pour l'historien. Alors cette affaire criminelle, quand même l'une des plus médiatisées du début des années 70, a presque totalement disparu de nos mémoires, enfin pas de la vôtre, ni celle du Limousin peut-être, mais est-ce qu'elle a été éclipsée par de plus grosses affaires qui sont venues après, telle l'affaire Ranucci, Patrick Henry, Grégory bien sûr? Je veux dire, est-ce que le souvenir de ce fait divers a souffert d'une sorte de concurrence, si j'ose dire? Alors, d'une concurrence, oui. D'autre part, je crois qu'il y a deux éléments fondamentaux. Vous avez cité un certain nombre d'affaires. Sur certaines, il y a doute. Tandis que là, il n'y a pas doute. Donc effectivement, j'ai envie de dire, une affaire sur laquelle on ne revient pas sur la chose jugée parce que voilà, il y a les aveux, etc., n'offre pas de part de mystère, d'une certaine manière. Et oui. Puis, le deuxième élément, c'est qu'il y a une certaine médiocrité, j'ai envie de dire, et du mobile du crime, et des circonstances du crime, et des acteurs eux-mêmes. On peut pas éprouver une forme de fascination. Alors, on a parlé des diaboliques de Bourganeuf, mais, par référence au film de Clouseau, mais... Oui. Sincèrement, quand on lit la presse, quand on regarde les comptes rendus, etc., et les déclarations, il n'y a pas cette épaisseur psychologique et scénaristique qui en font des personnages intéressants. Et scénaristique, de Clouseau, parce que l'épaisseur scénaristique, elle est incroyable. Alors, on est dans quelque chose de moins spectaculaire. Alors, ça m'intéresse ce que vous dites, parce que, évidemment, dans Affaires sensibles, on réfléchit beaucoup au sens des faits divers. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pendant que je vous tiens, si j'ose dire, en tant que spécialiste, pour vous, c'est la recette pour la pérennité d'une affaire. Par exemple, Grégory, pourquoi elle est toujours aussi frappante aujourd'hui qu'il y a 40 ans, enfin, en 84-85? Alors, elle, je crois que c'est un cas un peu à part, comme quelques autres affaires. En Limousin, on avait eu l'affaire Lafarge, par exemple, qui remonte à quasiment 200 ans bientôt. C'est parce qu'il y a un doute. Ah, mais on revient au doute et au mystère, d'accord. D'accord. Oui, tout à fait. Okay. Avec en plus, effectivement, le côté très huis clos, finalement, la vallée de la Vanoise. C'est-à-dire que on est dans une ambiance. L'affaire crée une ambiance et elle est comme un espèce de coup de scalpel dans une partie de la société qui généralement n'est jamais sous les feux des projecteurs. C'est ça qui est fascinant. Oui. Alors pardon, je vous bouscule un peu parce qu'il reste 15 secondes. Une question très courte. Bernard Yvette, sont-ils encore en vie? Alors là, vous me posez une colle. Ah bon, je suis désolé. Les enfants. Bon, parce que... en tout cas, ils n'ont jamais fait parler d'eux. Ils n'ont pas fait parler d'eux. Voilà. D'accord. Mon ignorance prouve qu'ils n'ont jamais fait parler d'eux. Mais non, pas votre ignorance. Au contraire, vous nous avez apporté plein d'éclairages. Et je vous en remercie, Philippe Grandcoing. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, les amants diaboliques. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Fabrice Desmaz.